tout recommencer. Tout recommencer. Loin des villes et des paysages, loin des nuages. Vivre à 100 à l'heure pour faire boum dans nos cœurs. Refaire les sentiments, c'est comme refaire la renaissance. Je lance mon SOS pour me relever de cette terre assoiffée par ces guerres. Je referme quelques frontières pour retirer cette haine. Finir ces quelques lignes pour me vider l'esprit. Tourner cette page pour tout recommencer sans dérapage. Suivre une route différente de ce jour. Trouver cet amour qui te redonne le goût. Avec tendresse, tristesse et sans finir à terre. Écrire avec une plume trop leste sur cette page vierge. Écrire quelques slams pour montrer que cette page est tournée et recommencer a pu pouvoir recommencer. Les conneries avec une légèreté d'une façon de pouvoir penser et de tout recommencer. Et de tout recommencer. Et de tout recommencer.